donc un peu les filles. Allez, ouvrez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. C'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la, sur la bande FM bien sûr, et aussi sur internet rigfm.fr. Et je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2022. Les meilleurs vœux vous sont dédiés au sein de cette émission Johnny de A à Z. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que les réveillons se sont bien passés, que les vacances sont bien passées. Nous on l'a pas eu, hein. On était débordés par le taf pour préparer des émissions. Enfin voilà, je m'en sors plus. Thierry est de moi, Thierry. Bon voilà, ça y est, c'est bon, on y est. Et nous voici pour une nouvelle année sous le signe donc de toujours de Johnny Hallyday. On va faire perdurer Johnny Hallyday tout au long des années qui vont suivre, peut-être des décennies, va savoir tant que nous serons là présents à la radio RIG, ou peut-être un jour une autre, on ne sait jamais. Aujourd'hui je vous propose un premier live, le live de l'année 2022. C'est un hommage à Robin Mesurier, l'anglais Robin Mesurier, le plus fidèle guitariste de Johnny Hallyday, qui a été à ses côtés de 1994 à 2007 et qui a disparu d'un cancer le mercredi 22 décembre 2021 à l'âge de 68 ans. On avait appris la mort de Robin Mesurier pendant l'émission Johnny de A à Z. Musicien de scène et de studio, compositeur, il avait aussi collaboré dans les années 80 avec Rod Stewart, et sa rencontre avec Johnny remonte à son album en anglais Rough Town en 1994. Il se fait repérer par l'ingénieur du son Chris Kinsey, qui a travaillé avec les Rolling Stones, et ce dernier demandera à Robin Mesurier de jouer et aussi d'arranger un album de Johnny Hallyday. Robin Mesurier avait vu deux de ses compositions, deux blues, Full for the Blues et All the Chances Gone, prises par Le Taulier, et il n'a pas fallu bien longtemps pour que les deux hommes créent une amitié forte et soudée. La première fois que j'ai rencontré Johnny à Los Angeles, c'est comme si nous nous étions toujours connus et nous ne sommes plus quittés. En 23 ans de la collaboration, nous n'avons jamais eu un seul désaccord et notre relation a duré beaucoup plus longtemps que bien des couples. C'était un homme et un ami extraordinaire. C'était un homme si spécial, il m'a tellement touché, il était devenu comme un frère, disait Robin Mesurier. C'est aussi ce que pensait Johnny de Robin. Les équipes ont souvent changé autour de lui, mais son guitariste est toujours resté. Des années 90 au creux de la vague à la renaissance avec l'album 100%, du Stade de France de 1998 à la Madeleine pour rendre hommage il y a plus de 4 ans à son ami défunt avec ses musiciens. Robin Mesurier aimait raconter cette anecdote qui en disait long sur leur lien fraternel. On avait suggéré une fois à Johnny de me remplacer, mais il avait répondu « Non, Robin, c'est mon sang ». Johnny manquait tellement au guitariste au faux air de Keith Richards que Robin a écrit un livre « Mes 1000 concerts avec Johnny » en 2019. « Je suis resté avec mon frère de cœur », expliqué Robin Mesurier en 2019. Il faisait alors la promotion de son livre « Mes 1000 concerts » et il revient en même temps sur leurs 20 ans de carrière en commun. Et il racontait notamment un épisode durant lequel Michel Sardou aurait tenté de l'embaucher pour l'une de ses tournées. Sardou lui a dit qu'il allait partir en tournée. Il a dit à Johnny que je voudrais que Robin soit mon guitariste sur ma tournée. Et Johnny a dit non. Quand il disait non, c'était non. Johnny était rentré chez Johnny en 94 comme directeur musical de sa tournée en anglais, soit chef des musiciens, et après il est toujours resté dans le groupe comme guitariste, et il est le seul musicien à être resté aussi longtemps auprès de Johnny, ce qui n'était pas une chose facile, racontait Greg Slab, l'harmoniciste du rocker. Mais plus de blabla, commençons cette émission Johnny de A à Z. Mais juste avant, on va avoir encore un petit peu de blabla, si, hein, on va avoir du blabla. C'est Robin Mesurier qui va parler un peu de lui justement, de ce choix de guitare, de ce choix de cordes, et en même temps de sa collaboration avec Johnny Hallyday. C'était une interview pour Woodbrass en 2006. So for Bien, pour commencer, Robin, peux-tu nous raconter un peu ton histoire, nous parler de tes débuts? Je crois savoir que ta carrière s'est essentiellement déroulée aux États-Unis, non? J'ai aussi une carrière ici. Je joue de la guitare depuis l'âge de 9 ans, mais je ne vais pas te dire quel est mon âge aujourd'hui, donc ça non. Bon, j'ai 53 ans. Je suis arrivé aux États-Unis en 1977. Et tu y vis toujours? Oui, depuis presque 30 ans maintenant. J'ai même mon passeport américain. Et aussi mon passeport britannique. J'ai joué avec vraiment beaucoup de monde, mais aussi dans mes propres groupes. Ça fait maintenant 14 ans que je joue avec Johnny. Avec Rod Stewart, j'ai dû commencer en 1980. Et je joue bien sûr toujours avec lui. J'ai même fait sa dernière tournée américaine. Il connaît vraiment absolument tout le monde. Et tu vois ce que je veux dire, c'était vraiment génial, quoi. J'ai fondé aussi mon propre groupe qui s'appelle Farm Dogs, avec Bernie Taupin, Jim Cregan et Tony Brock. Tony Brock avec qui j'avais déjà joué auparavant dans d'autres formations. Et c'était très, comment dire, très convivial. Et donc voilà, j'utilise les cordes Dean Markley depuis plus de 14 ans et pour moi ce sont vraiment les meilleurs. Tu parles des modèles Blue Steel, je pense. Oui, notamment les Blue Steel. Tu sais, j'ai essayé d'autres marques de cordes et non, vraiment, ça reste les meilleurs pour moi. Mais il y a aussi les dernières cordes, là, les modèles signature, je crois. Les alchimies, c'est vrai. Non, elles sont vraiment étonnantes. Elles durent plus d'un concert, ce qui est incroyable pour moi. Oui, en plus, je crois savoir que tu as l'habitude de changer tes cordes après chaque concert. Oui, mais avec les alchimies, c'est plus la peine. Le son reste intact, elle dure vraiment beaucoup plus longtemps que les autres modèles de cordes. Il y a vraiment un facteur très important pour avoir le son, quoi. C'est le médiateur. Moi, j'utilise des médiateurs en métal. Et donc, j'ai une attaque beaucoup plus forte que les médiateurs en plastique. Le son que j'obtiens donc avec ce type de médiateur est vraiment phénoménal. C'est donc une bonne combinaison entre les cordes et le choix de médiateur. Oui, c'est vraiment bien. Oui. Et comment se passe la tournée avec Johnny Hallyday? Ça se passe vraiment très bien. Tu sais, ce qui est important sur ce type de tournée qui est assez longue, ce sont les gens avec qui tu travailles. Et l'ambiance du groupe est vraiment excellente. Je crois que c'est la meilleure qu'on ait jamais connue depuis que j'ai commencé avec Johnny. Tout le staff aussi est vraiment génial et on est vraiment devenus de vrais amis. C'est très agréable de travailler avec eux. Et après la tournée, tes projets? Eh bien, je crois que je vais partir en vacances. Non, en fait, je vais me remettre au boulot en rentrant à Los Angeles pour préparer le prochain album de Johnny qu'on va probablement commencer en mai. Et après, on fera sûrement la promotion de cet album. J'ai entendu dire qu'en 2009, on repartirait sûrement en tournée. Encore donc beaucoup de travail en perspective. Oui, ça fait encore quelques années, n'est-ce pas? C'était lors de la tournée Flashback Tour. Voici tout de suite le concert hommage à Robin le Mesurier. Et on commence tout de suite avec La Musique que J'aime. C'était au Stade de France le 11 septembre 1998. Bonne émission du I2 à Z ici sur RIG à toutes et à tous. chanterai toujours. Ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Ce soir, en tout cas, vous savez que je vous aime. Mais j'ai une question pour vous. Mais vous ? Et vous ? Et vous ? Et vous ? Est-ce que vous êtes comme moi ? diriger la radio de Junaïd ici tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Ce soir, pour ce live Junaïd, on rend hommage à Robin Desmoulins qui nous a quittés le 22 décembre 2021. Et là, on entend bien la Stratocaster de Robin. Extrait du live Restez Vivant Tour. Voici Restez Vivant. musicale de 94, on va direction Las Vegas, deux ans plus tard, 1996. Et voici des extraits où on entend le plus souvent Rock de Missouri. Je ne sais pas m'arrêter. Où mes chansons m'entraînent, je ne fais plus que passer. Oui, je suis chez moi là où on m'aime. Ailleurs, ailleurs, je suis à l'étranger. De train en train, de ville en ville, je finirai bien partout. Je ne me souviens plus d'elle, son nom je l'ai oublié. Oh, mais je cours toujours après l'amour, mais la vie va me rattraper. La terre promise n'est pas toujours là où l'on croit bien la trouver. Et après on entendra All the Change is Gone, extrait de Bercy en 1995. Oh, soir. Bienvenue à la cigale ce soir. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette salle. Parce que pour moi, cette salle, c'est un peu le temple du rock and roll. Et le temple du blues. Et puis pour moi, c'est une occasion de vous retrouver un petit peu ici. Ce soir, je vais vous interpréter le nouvel album en anglais que j'ai fait avec mon groupe. La chanson que je viens de chanter, c'était Fool for the Blues, a été une chanson qui a été écrite par mon guitariste Robbie de la Missouri. Merci. Merci. Colin James. Yes, sir. This is a rock and roll man. Sur la salle de ma vie, dans le soleil, la projecteur. Je n'étais qu'un enfant, mais alors j'ai trompé. Envie qui tombe dans mon cœur. Je suis un rock and roll man. Rock and roll man. Je suis un rock and roll man. Rock and roll man. Je le savais, je le sentais. Rock and roll man. On l'appelait le king of rock and roll. Il était devenu leader. Quand il chantait, la foule criait son nom. Et les filles le prenaient fort. C'était un rock and roll man. Rock and roll man. C'était un rock and roll man. Rock and roll man. Je l'admirais, je l'admirais. Rock and roll man. Ses cheveux l'ont lancé, cachant presque ses yeux. Lorsqu'il chantait. En lettres d'argent, il y avait son nom. Rock'n'roll. Il avait dans les yeux l'ombre qu'avait laissé la misère de toute une enfance. Les bâtons de Memphis ont échappé pour lui citer la dernière chance. Oui, il est un rock'n'roll man. Rock'n'roll man. Il est un rock'n'roll man. Rock'n'roll man. Et il chantait. Rock and roll. Les cheveux l'ont lancé, cachant presque ses yeux. Lorsqu'il chantait rock and roll. Sur sa guitare écrit en lettres d'argent, il y avait son nom. Rock and roll. Il m'a donné envie d'être ce que je suis. Il avait chanter ses chansons et je fais de ma vie comme sa vie une course folle. Je suis la rock and roll man. Rock and roll man. Je suis un rock and roll man. Rock and roll man. Je suis sa vie. C'est ma vie. Rock and roll man. Rock and roll man. Rock and roll man. Rock and roll man. Yeah. Pendant 20 ans, les deux musiciens, Johnny et Robin, travaillent ensemble et surtout voient leur relation devenir de plus en plus forte. Ils se voyaient beaucoup en dehors du travail, à Los Angeles. Ils habitaient pas loin l'un de l'autre, à Pacific Palisades. Ils avaient une relation très forte. Johnny avait besoin de sa présence. En signe de confiance absolue, Johnny lui avait offert un double de son collier avec Jésus et sa guitare. On retourne du côté du Restez Vivant Tour avec ce titre ressuscité de 1972, Tomber c'est facile. Vous écoutez Erigé et Johnny de la Z. Dans tes amours, ne prends-tu jamais le temps chemin de penser que tu vas trop loin. Arrête un peu et regarde un peu, tu verras combien ils sont malheureux. Ça t'est bien égal, tu ne fais que ce que tu veux. Mais comment peux-tu vivre avec tout ça? C'est facile lorsqu'on sait que vous dans les bras. Et toi, on sait que tu n'en manques pas. Le temps est facile lorsqu'on sait que vous dans les bras. Toi, tu es notre peu de peur, mais on n'apprend pas ses erreurs. Pour ton bien, tu perds la mémoire et tu très bien. L'amour comme un refrain te croit. Ne crois pas tout ce que tu entends, car ton rêve disparaîtra juste devant toi. Comment peux-tu vivre avec tout ça? Tomber c'est facile lorsqu'on sait que son train et moi je rentre. mes peurs. Elle a cette assurance inaccessible de ce qu'ont de la chance de naissance. Tina Johnny, tu es un... Frankie et Johnny à Las Vegas en 1996. On retrouve tout de suite Johnny en 1998, deux ans plus tard au Stade de France. Ah, il a vu grand. Il a vu grand, il a réussi. Avec ce titre, Cet homme que voilà. Hommage à Robin Relemesurier, ici ce soir dans l'émission Johnny de A à Z. Johnny en live. Tu vas t'asseoir ici. Et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais, tu me l'as fait quitter. Et je suis devenu cet homme que voilà. Et te voilà perdu. Et perdu de remords pour n'avoir jamais su résister à ton corps. Tu ne le verras plus, cet homme que voilà. Je vais laisser la place. Je plains mon successeur. Un jour, quoi que tu fasses, tu feras son malheur. Tu te rappelleras cet homme que voilà. Je connais ton programme. Notre main te réclame. Que tu vas faire souffrir. Tes jolis yeux sans âme me dégoûtent à vomir. À détruire le bonheur, c'est ton travail sur terre. Va faire couler des pleurs, va déclencher des guerres. Ton joli corps sans cœur va le vendre aux enchères. N'attends pas trop longtemps, les rides n'attendent pas. Ce soir, je voudrais tant que ton dernier contrat, que ton dernier client soit l'homme que voilà. Na na na na na na na na na na na na na. Johnny, pose sa guitare. Là, il n'avait pas de guitare, là. Mais Robin Lemesurier pose sa Stratocaster pour prendre une guitare sèche. Et pour entamer une petite série Unplug. Pour vous faire crier.

Never grumble so first is always treat me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman plays, but I tell her no here, no home. I got a woman where the town, oh, she's good to me. But so first says, or it's feeling right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman plays. Right down on here, at home. I got a woman way out of town. She's good to me. Oh, yeah. I got a woman way out of town. She's good to me. Et on retourne à Las Vegas en 1996 et le titre Je suis dans la rue. J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous écoutez Ériger la radio de Johnny le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, hommage live avec, du moins, hommage à Robin de Mesurier. Je voudrais présenter mes musiciens. Le groupe est formé aux guitares de Robin de Mesurier. Shane Fontaine. Guitar bass, Phil Susson. Au clavier, Tim Moore. À l'orgue, Ian Cule. À l'harmonica, Christophe Dupeux. Au saxophone, Jimmy Roberts. À la batterie, at the drums, Mr. Ian Wallace. La deuxième voix, copain du groupe s'appelle Eric Mamy. Quant à moi, moi je m'appelle Jean-Philippe Smet. Et je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin, en 1943, je suis dans la rue par une nuit d'orage. Chez les rois, on choisit mes amis, tu sais, les meilleurs qu'ils soient. Oui, collaboré avec Johnny Hallyday. Robin Mesurier avait collaboré avec Rod Stewart. Et ça, c'est un titre de Rod Stewart. Hard Legs, c'est à Bercy. Vieux bateau qui craque, j'attends. La brise du devenir et le souffle du désir, le vent. Sur mon vieux bateau qui craque, sur l'océan, sur ma flaque. J'attends. Que les hommes me fassent moins peur, oui, que renaisse en moi mon cœur d'enfant. Ma ville, dans les villes, loin des foules imbéciles, je fuis. Dans mon rêve, au coin d'un bois, pendant que les hommes n'y sont pas, je suis. En tout cas, oui, bien dans ma tête, j'oublie. Ce monde usé qui se noie, sans idéal et sans joie, m'ennuie. D'un lac, sur mon vieux bateau qui craque, j'attends, oh j'attends, la brise du devenir et le souffle du désir, le vent. Sur l'océan, sur ma flaque, j'attends. Que les hommes me fassent pas peur, que renaisse en moi mon cœur d'enfant. Que renaisse en moi mon cœur d'enfant. Flashback Tour au Palais des Sports en 2006 avec le titre Seul bon nuit d'un lac. On entendait surtout Région la chance et Robin plus vers la fin. Nous voici à New York au Beacon Theater avec Voyage au Pays des Vivants en 2014. Jamais je ne vous ai fait rien. Le titre « Où Rivière ouvre dans lui ». Toujours Flashback Tour en 2006. Vous écoutez R.I.G. et l'émission Julie de LZ, hommage à Robin de Missourier. Rivière, ouvre dans lui. Rivière, ouvre dans lui. Tu sais, je te connais. Tu es très belle. Tu es comme une femme. Je te connais, tu es très douce, mais sans cœur et sans âme. On croit trouver le ciel en toi. On tend la main comme un mendiant idiot. Et puis, trop tard, on s'aperçoit qu'on s'est noyé. Combien de fous dans leur douleur t'ont choisi pour maîtresse. Je sais combien d'amour avant le mien se mord sans une messe. Rivière, ouvre ton lit. tous. Non, tu n'es rien qu'une fille de mauvaise vie. Voici à présent un titre maintenant que Robin adorait jouer sur scène, c'était Oh Carole. Oh, Carole, Bruxelles. Tu cherches déjà une fille. Mais tu sais, quand ça ne marche pas, elle préfère ce qui prie. Ton heure, ça a été il y a longtemps, où ça remet le souvenir. Fille, donnez-leur 20 ans, et maintenant tu peux courir. Qu'est-ce que tu croyais? La vie n'est bien plus dure que toi. Tout seul, au coin de la rue, tu regardes la taxi girl. Ouais. Mais tu sais, que tu resteras seul. C'est une longue, longue nuit qui t'attend. Une nuit sale en vomi. Ici, tu n'es qu'un perdant. Oh, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu croyais, Bercy 2013. En revenant du lourd, oui, oui, aussi. Retour en 2006 avec Hey Joe. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z. Hey Joe,

Robin de Mesurier jouait pour Johnny lors de l'hommage, lors de l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday et de la statue le 14 septembre dernier, c'est-à-dire en 2001, face à l'Accor Arena de Paris. Robin de Mesurier se battait depuis des années contre une longue maladie. Il nous a quittés le 22 décembre 2021. Ça ne dure que quelques secondes et tu t'en vas dans ton monde. C'est un moment en distance, ton regard en dissidence, et je vois passer une ombre quand tu me fuis, quand tu sombres. Don't you? On ne vous oubliera pas, messieurs. Non, non, non. Emblématique aussi de Johnny Hallyday, l'envie. Et pour le dernier titre de la soirée, on retrouve Robin Le Mesurier avec une guitare sèche sur le titre L'attente.